Te souviens-tu de nos rires à l'aube des beaux jours où nous faisions l'amour ensemble pour toujours, on criait Alléluia. J'aurais voulu chanter des choses un peu plus gaies. J'aurais voulu te faire rire, mais je n'ai rien trouvé à dire. J'aurais voulu chanter comme Bobby Traîné. J'aurais voulu te faire sourire, mais sans peine y a pas de plaisir. Sans peine y a pas de plaisir, oh non. J'ai le cœur sec et lourd. Je reste aveugle et sourd au monde alentour, censé n'attendre plus que moi. Te souviens-tu de nos rires à l'aube des beaux jours où nous faisions l'amour ensemble pour toujours, on criait Alléluia. J'aurais voulu t'aimer, te rendre un peu plus gai. J'aurais voulu te retenir, mais je n'ai rien trouvé à dire. J'aurais voulu t'aimer comme Francis Presley. J'aurais voulu te reséduire, mais sans haine, y a pas de désir. Sans haine, y a pas de désir, oh non. Et tout m'indiffère. Je suis seul sur la terre. On s'entend comme des frères. Mon ego, mon nombril et moi. Je n'attends plus que de partir, de tout mettre à l'envers et d'aller voir Dieu en enfer, lui dire de se faire mettre au cul nos Alléluia. J'aurais voulu chanter des choses un peu plus gaies. J'aurais voulu te faire sourire, mais je n'ai rien trouvé à dire. J'aurais voulu chanter comme Francis Presley. J'aurais voulu te retenir, mais te souviens-tu de nos rires à l'aube des beaux jours où nous faisions l'amour ensemble pour toujours, on criait Alléluia.